إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui on commence le hadith numéro 29, c'est le cours 38, et on commence le hadith numéro 29, الحديث التاسع والعشرون. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويبعدني عن النار قال لقد سألتني عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل من جوف الليل ثم تلا قال ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر كله وعموده وذروة سنامه قلت بلى يا رسول الله قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله قلت بلى يا نبي الله فأخذ بلسانه قال كف عليك هذا فقلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به قال ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. Donc ça c'est un grand hadith qui est rapporté selon Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu et il dit j'ai dit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ya Rasulallah au messager d'Allah informe-moi d'une action qui va me faire entrer au paradis et qui va m'éloigner de l'enfer. Alors il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes tu m'as demandé au sujet d'une grande chose, et c'est une chose qui est facile pour celui à qui Allah l'a rendu facile. Tu adores Allah et tu ne lui associes rien. Tu établis la salat, tu donnes la zakat, et tu jeûnes le ramadan, et tu fais le hajj à la maison, c'est-à-dire à la Kaaba. Puis ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne veux-tu pas que je te donne les portes du bien, ou que je t'indique les portes du bien. Il a dit, le jeûne est un bouclier, et l'aumône que tu donnes, elle éteint les péchés que tu fais, comme l'eau éteint le feu. Et il a dit également la prière qu'un homme accomplit en plein milieu de la nuit. Et puis il a récité les versets 16 dans Sourate Al-Sajda, jusqu'à ce qu'il atteigne l'endroit où c'est écrit, où ça dit « Ya'malun », ça dit « Tatajafa junubuhum anil madaji'a », c'est-à-dire en décrivant les gens qui se lèvent la nuit, hein, ils se lèvent de leur lit, hein, leur dos quitte leur lit, et donc c'est la description de ceux qui prient la nuit dans Sourate Al-Sajda, le verset 16. Puis ensuite il a dit « Ne veux-tu pas que je t'informe au sujet de la tête de cette chose ?» c'est-à-dire de la tête de cette religion, ainsi que du plus haut niveau de sa bosse, et de son pilier et du plus haut niveau de sa bosse. Il a dit, certes au messager d'Allah, alors il a dit la tête de cette religion, c'est bien entendu, c'est l'islam, c'est la soumission, et son pilier c'est la salat, c'est d'établir la prière, et le plus haut niveau de sa bosse, ou le plus haut point de sa bosse, c'est le djihad. Ensuite il a dit, ne veux-tu pas que je t'informe de ce qui retient tout ça ensemble? Il a dit, certes ô prophète d'Allah, et il a dit, il a pris sa langue avec ses doigts, et il a dit, retiens cette chose-là, c'est-à-dire, retiens cette langue. Et Mu'adh ibn Jabal a dit, ô prophète d'Allah, est-ce qu'on va être pris pour compte pour ce qu'on a dit, pour les choses qu'on a dit, et les choses qu'on a dites, et les paroles qu'on a prononcées? Et il a répondu, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, malheur à toi ô Mu'adh, est-ce que tu penses que quelque chose va faire tomber les hommes dans le feu de l'enfer sur leur visage ou sur leur nez, excepté à cause de ce qu'ils ont fait avec leur langue, ou qu'est-ce qu'ils ont dit avec leur langue. Donc ça c'est un hadith qui est rapporté donc par At-Tirmidhi, et c'est un hadith Hassan Sahih. Maintenant le Cheikh Al-Fawzan il explique maintenant ce hadith-là, et il rentre quand même assez en détail dans l'explication, il fait un assez long charh. Aujourd'hui on n'aura pas le temps de lire tout, c'est ça c'est certain, mais on va recommencer une partie puis on continuera la suite au prochain cours Inch'Allah. Le Cheikh il dit, هذا حديث عظيم يرسم فيه النبي صلى الله عليه وسلم الطريق الذي يوصل صاحبه إلى الجنة ويبعده عن النار، وهذا يحتاجه كل مسلم، فكل مسلم يريد دخول الجنة والنجاة من النار، ولكن ما الطريق؟ ولذلك سأل معاذ النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإنسان ليس باستطاعته أن يعرف طريق الجنة من طريق النار إلا من ناحية الوحي المنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه لم يكلنا إلى عقولنا وتفكيرنا وتصوراتنا، وإنما أرسل هذا الرسول وأنزل هذا الكتاب من أجل أن يبين لنا طريق الجنة وطريق النار. لشيخ الزي ce hadith-là, c'est un très grand hadith qui nous dessine, et dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre la voie qui nous amène au paradis, qui amène la personne qui le suit au paradis et qui l'éloigne de l'enfer. Et ça, tout musulman en a besoin. Tout musulman veut rentrer au paradis et être sauvé de l'enfer. Mais comment on fait pour y arriver? Et c'est quoi le chemin pour y arriver? Donc, c'est pour ça que Mu'adh ibn Jabal, radiallahu anhu, il a demandé cette question-là au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, parce que un être humain ne peut pas arriver, il n'est pas capable par lui-même de connaître le chemin vers le paradis, et il ne peut pas distinguer entre le chemin du paradis et le chemin de l'enfer par autre chose que par la révélation. La seule chose qui peut lui permettre de connaître le chemin du paradis et qui peut lui permettre de s'éloigner du chemin de l'enfer, c'est de se référer à la révélation qui a été révélée au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il ne nous a pas laissé à nous-mêmes, il ne nous a pas abandonnés à nous-mêmes pour dire on va se reposer ou on va se fier uniquement à notre raison ou à notre pensée ou à notre imagination ou à qu'est-ce qu'on peut arriver à concevoir dans nos esprits pour savoir qu'est-ce qui mène au paradis ou à l'enfer. Non, certes, il nous a envoyé des messagers, hein, il nous a fait descendre également et il nous a révélé des livres pour nous clarifier pour que le chemin du paradis et le chemin de l'enfer soient clairement définis et clarifié, et justement pour qu'on puisse savoir comment aller vers le paradis. Donc ça c'est le cheikh dit fahada wa fi hadha dalil ala wujub su'al ahli al-'ilm an umur ad-din li'annaha la yus'alu 'anha ghayr al-'ulama la yus'alu 'anha al-atibba wal-muhandisun fa amru ad-din laysa min madarik al-'uqul wa innama huwa bil-wahy al-munazzal. Le cheikh dit donc il y a dans ça la preuve que c'est obligatoire pour quelqu'un de demander aux hommes de science au sujet des questions de la religion. Quand on parle des hommes de science, on parle des savants de l'islam. Hein, le cheikh dit parce qu'on ne va pas aller demander à d'autres qu'aux ulama les questions qui ont rapport avec ces choses-là. Qu'est-ce qui a rapport avec la religion? On ne va pas demander aux médecins, on ne va pas demander aux ingénieurs, on demande les choses de la religion à ceux qui connaissent la révélation et qui ont étudié les choses qui sont reliées à la révélation. Pourquoi? Parce que ces questions-là, ces questions de religion, elles ne peuvent pas être connues par la raison. Elles ne peuvent pas être connues par la raison, puisque ce sont des choses qui dépassent le niveau des sens. Ce sont des choses qui ont rapport avec l'invisible. Le Cheikh dit قوله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويبعدني عن النار هذا ما يريده كل مسلم. فدل على أن الجنة لا تدخل إلا بعمل والنار أيضا لا تدخل بعمل لا والنار أيضا تدخل بعمل فعمل الخير يدخل الجنة وعمل الشر يدخل النار فلا أحد يدخل الجنة أو النار بدون عمل. Le Cheikh dit que le Mu'adh ibn Jabal, radiallahu anhu, il a posé la question au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, informe-moi d'une action qui va me faire rentrer au paradis et qui va m'éloigner de l'enfer. Donc ça c'est chaque musulman qui désire ça, qui désire savoir cette chose-là. Et donc le Cheikh dit ça nous indique également que il n'y a rien qui peut nous faire rentrer au paradis excepté nos actions. Hein, bien entendu notre foi, notre croyance et nos actions aussi, hein, mais en particulier, mais à la base c'est les actions qui sont poussées par cette foi qui vont nous faire rentrer au paradis. Et également, qu'est-ce qui fait rentrer en enfer? Ce sont des actions aussi. Donc les actions du bien, ça nous fait rentrer au paradis, et les actions du mal, ça nous fait rentrer en enfer. Et il n'y a personne qui peut donc entrer au paradis ou en enfer excepté que ce soit à cause des actions qu'il a fait. فقوله صلى الله عليه وسلم لقد سألتني عن عظيم عظم النبي صلى الله عليه وسلم هذا المسؤول عنه من أجل أن ينبه السامعين والقارئين إلى عظم هذا الأمر حتى يهتموا به. Le Cheikh dit que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit ensuite, certes tu m'as demandé quelque chose de très grand, hein? Et donc ça c'est pour nous faire comprendre que le prophète صلى الله عليه وسلم il a considéré cette chose là comme étant une grande question. Parce que la question que Mu'adh a posée, le sujet de cette question-là est très grand, c'est un grand sujet. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a répondu de cette manière-là pour faire comprendre à la personne qui entend, aux personnes qui entendent et aux personnes qui vont lire ces paroles-là par la suite, que cette question-là et ce sujet-là, c'est un grand sujet, puis que par la suite, ils vont y donner beaucoup d'importance et ils vont faire très attention à la réponse au sujet de cette question-là. قوله وإنه لا يسير على من يسره الله عليه مع عظمه فإنه يسير على من يسره الله عليه لأن الدين ولله الحمد دين سمح لا حرج فيه ولا مشقة وإنما هو دين يتمشى مع قدرات الإنسان من غير تكلف ومن غير تساهل وتضييع فهو طريق سهل ولكن على من يسره الله عليه أما من لم ييسره الله عليه فهو صعب ولذلك الطاعات أشق ما تكون على النفوس الكسالى قال تعالى وإنها لكبيرة يعني الصلاة إلا على الخاشعين فالصلاة على الخاشعين تكون قرة أعينهم وسهلة عليهم أما المتكاسلون فتكون ثقيلة وكبيرة عليهم مع أنها ركعات لا تستغرق وقتا طويلا ولكنها تشق عليهم. لشيخ الزين que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ensuite, hein, que c'est une chose grande, hein, la question au sujet de laquelle la question qu'il a posée, le sujet de cette question-là est un très grand sujet. Mais le Cheikh dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu que c'est quelque chose qui est facile pour celui à qui Allah l'a rendu facile. Et donc, malgré que c'est une chose qui est très très grande et qui peut être très lourde aussi parfois, c'est quelque chose qui est facile pour celui à qui Allah l'a facilité. Et pourquoi? Parce que cette religion, alhamdoulillah, c'est une religion yani disons qu'il n'y a pas de difficulté dedans, il n'y a pas de complications dedans. C'est une, il dit dinun samh, yani c'est une religion qui est remplie de tolérance, remplie de facilité. Voilà mashaqqa, yani il n'y a pas de haraj, il n'y a pas de mashaqqa dedans, il n'y a pas de difficulté, puis il n'y a pas de choses qui sont yani compliquées ou dures ou difficiles dedans. وإنما هو دين دين يتمشى مع قدرات الإنسان من غير تكلف. C'est une religion qui va avec les capacités de l'être humain, dans les limites de ce qu'il est capable de faire, sans qu'il y ait de choses trop lourdes et trop difficiles pour l'être humain. ومن غير تساهل وتضييع. Et non plus, c'est pas quelque chose qui rentre dans disons le laxisme et l'excès dans la facilité non plus. Dans le sens que on abandonne les choses qui sont importantes puis on gaspille les choses, non. C'est-à-dire que c'est une religion, une voie qui est facile pour celui à qui Allah l'a facilité. Mais celui pour qui Allah ne lui a pas facilité cette religion-là, alors elle est difficile pour lui. Et c'est pour cette raison-là que les actes d'adoration qu'on fait, les actes d'obéissance qu'on fait, elles peuvent être lourdes pour les âmes des gens paresseux. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ça justement dans Surat al-Baqara, le verset 45, il dit « Wa innaha lakabiratun illa ala al-khashi'in ». Lakabiratun yani as-salah, c'est-à-dire qu'elle peut être très lourde, elle peut être très difficile à faire pour certains. Elle peut être très grande ou très lourde pour certains, excepté pour les humbles. Donc, pour les humbles, la prière, c'est pas quelque chose de lourd, au contraire, c'est quelque chose pour eux qui est la perle de leurs yeux, c'est-à-dire c'est quelque chose qu'ils aiment faire, ils ont un plaisir à la faire, ça les remplit de joie de pouvoir faire leur prière, et elle est facilitée pour eux. Mais pour ceux qui ont de la difficulté dans le sens qu'ils sont paresseux, et ils trouvent cette prière comme si elle était lourde, et comme s'il était très grand à faire, eh bien, ça c'est ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala ne leur a pas facilité, parce que si on analyse la prière, on observe la prière, elle ne prend que quelques minutes, elle est très courte, hein, c'est quelques rak'at que tu fais, qui ne prennent que quelques minutes, elle n'est pas longue, hein, mais malgré qu'elle n'est pas lourde, malgré qu'elle n'est pas difficile à faire, mais pour eux elle est difficile à faire, pourquoi? Parce que elle ne leur a pas été facilitée. Et on voit ça des fois, quand pour certains, ils ont hâte de faire la prière et ils se précipitent vers la prière, tandis qu'il y en a d'autres personnes, au contraire, ils veulent juste se dépêcher pour la terminer, pour s'en débarrasser, ou bien parce que ils trouvent que c'est comme s'ils prient là dans la prière, on dirait que pour eux ça dure une heure. Tandis que pour certains, ils trouvent que c'est trop rapide. Il y en a qui voudraient que ça dure plus longtemps. Le Cheikh dit وكذلك سائر الطاعات فإنفاق المال مثلا يصعب على من ليس عنده إيمان ولكن أهل الخير والإيمان يسهل عليهم ذلك فينفقونه على محبته طاعة لله سبحانه وتعالى وكذلك حالهم في سائر الأعمال. Le Cheikh dit de même que les autres actes d'adoration, comme par exemple de donner de nos biens en charité, ça c'est lourd pour certaines personnes qui ont pas de foi ou bien qui ont peu de foi, hein. Mais pour les gens du bien et qui ont la foi, alors ça c'est facile pour eux. Et ils donnent de leurs biens par amour pour Allah subhanahu wa ta'ala et par obéissance pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ainsi que leur état est dans tous les actes d'adoration que Allah leur ordonne de faire. Et ensuite le Cheikh il dit قوله صلى الله عليه وسلم تعبد الله ولا تشرك به شيئا هذا الأصل تعبد الله ولا تشرك به شيئا هذا هو التوحيد ولم يكتفي بقوله تعبد الله بل قال لا تشرك به شيئا كقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا لأن العبادة لا تصح ولا تقبل إلا مع الإخلاص فإذا داخلها الشرك فإنها تبطل ولا تنفع صاحبها ولا يقبلها الله سبحانه وتعالى فالمشرك لا يقبل منه عمل وكل عمل خلطه شرك فإن الله لا يقبله. الشيخ الذي que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit ensuite et adore Allah et n'associe rien avec lui. Ça c'est la base, que tu adores Allah subhanahu wa ta'ala et que tu n'associes rien avec lui, ça c'est le tawhid, ça c'est l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est pas limité à dire adore Allah, il a continué en disant et ne lui associe rien, ne fait pas le shirk avec lui. Donc c'est comme lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, dans le verset 36, dans surat al-Nisa, wa'budullah wa la tushriku bihi shay'a, yani adorez Allah et n'associez rien avec lui, ne faites pas de shirk avec lui. Parce que l'adoration, elle ne sera pas valable et elle ne sera pas acceptée d'Allah subhanahu wa ta'ala, yani excepté si elle est faite avec ikhlas, avec sincérité et pureté. Et s'il y a une forme de shirk quelconque qui rentre dans cette adoration-là, alors cette adoration-là devient vaine, devient nulle, et elle ne sera pas bénéfique, elle n'aura aucun bien, aucun profit pour la personne qui l'a accomplie, et Allah ne va pas l'accepter. Parce que l'acte du mushrik, l'action du mushrik n'est pas acceptée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et toute action qui contient une forme quelconque de shirk dedans, elle sera vaine, elle ne sera pas acceptée d'Allah subhanahu wa ta'ala. قوله وتقيم الصلاة هذا هو الشرك عفوا وتقيم الصلاة هذا هو الركن الثاني. تقيم الصلاة التي هي عمود الإسلام والمراد بالصلاة الصلوات الخمس. وقال تقيمها ولم يقل تصلي لأن المطلوب إقامة الصلاة ولا شكل الصلاة وإنما الصلاة القائمة المشتملة على أركانها وشروطها وواجباتها وسننها هذه هي الصلاة القائمة. أما الصلاة التي تختل فيها الأركان أو الشروط أو الواجبات فهذه لا تكون صلاة نافعة عند الله سبحانه وتعالى. لشيخ الذكر تبلي الصلاة. Ça c'est le deuxième pilier de l'islam, tu établis la salat, c'est le pilier de l'islam, c'est le pilier de l'islam. Et qu'est-ce qu'on veut dire par la salat? On parle des cinq prières obligatoires par jour. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « tuqimu salat »,« tuqimuha », c'est-à-dire tu l'établis cette salat. Il n'a pas juste dit « tu pries », il dit « tu fais ta salat », non, il a dit « tu établis la salat »,« tuqimu salat ». Donc ça veut dire, le cheikh dit ça veut dire que tu dois compléter cette salat avec tout ce qu'elle contient de piliers, de conditions, d'obligations et d'actes recommandés, et des actes surérogatoires qui sont dedans. Donc ça c'est la salat que tu as établie, mais si tu fais juste vouloir faire l'aspect extérieur de la salat sans respecter les règles, les conditions et les obligations et les sunnans de la prière, et que tu laisses tomber des piliers, que tu laisses tomber des conditions ou des obligations dans cette salat, alors ce ne sera pas une salat qui sera bénéfique, et elle ne sera pas profitable pour toi auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. قوله وتؤتي الزكاة هذا هو الركن الثالث وهو إيتاء الزكاة التي فرضها الله في الأموال وهي قرينة الصلاة وهي المقدار المقدر للفقراء والمساكين والأصناف الثمانية التي بينها الله سبحانه وتعالى فهي عبادة مالية والصلاة عبادة بدنية. Le cheikh dit que tu dois donner la zakat, et ça c'est le troisième pilier de l'islam, et c'est de donner la zakat que Allah a rendu obligatoire dans les biens, et c'est le compagnon de la salat, parce que il est toujours associé avec la salat dans le Coran. Quand tu lis des versets, Allah dit « wa aqimu salat wa atu zakat ». Donc toujours ces deux-là sont mentionnés ensemble, la salat et la zakat. Et c'est une somme d'argent ou une quantité de biens qui est prédéterminée, une somme d'argent bien précise, une valeur bien précise, et un 2,5% de tes biens. Une fois que ça atteint le nisab, le montant minimum à partir duquel tu commences à payer de la zakat, et qu'il y a une année complète qui est passée sur ces biens-là, alors sur cet argent-là, il y a l'obligation de payer la zakat, et c'est pour les pauvres et les indigents et les 8 catégories que Allah a mentionnées dans surat Tawbah, innama as-sadaqatu lil-fuqara wal-masakin, et jusqu'à la fin du verset. Donc, hiya ibadatul maliya, c'est une adoration qui est économique, qui est une adoration financière, ce que tu fais avec ton argent, c'est une adoration que tu fais avec ton argent, tandis que la salat, c'est une adoration que tu fais avec ton corps. قوله وتصوم رمضان هذا الركن الرابع فصوم رمضان وهو شهر في السنة صوم رمضان صوم شهر رمضان فرض وركن من أركان الإسلام. Le cheikh il dit le jeûne du Ramadan, c'est le quatrième pilier de l'islam, c'est de jeûner le Ramadan, c'est un mois de l'année, le mois du Ramadan. Et c'est une obligation et un pilier parmi les piliers de l'islam. قوله وتحج البيت هذا هو الركن الخامس من أركان الإسلام ذكر صلى الله عليه وسلم أركان الإسلام كلها آخرها الحج والحج بينته الأحاديث الأخرى أنه مرة واحدة في العمر على المستطيع أما الذي لا يستطيع بالمال فهذا ليس عليه حج قال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا السبيل الزاد والراحلة الزاد يبلغه والنفقة والراحلة يعني المركوب الذي يذهب به ويرده في كل زمان بحسبه والراحلة تكون سيارة وقد تكون طائرة وقد تكون باخرة كل زمان بحسبه فهذا لم يجد زادا ولا راحلة فليس عليه حج فإذا لم يجد نعم فإذا لم يجد زادا ولا راحلة فليس عليه حج le cinquième pilier de l'islam c'est le hajj que tu fasses le hajj et le prophète صلى الله عليه وسلم il a dit وتحج البيت c'est-à-dire que tu fasses le hajj à la maison c'est-à-dire la Kaaba ok Et ça c'est un des piliers de l'islam et c'est le dernier d'entre les cinq piliers. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith donc il a mentionné les cinq piliers au complet. Puis dans d'autres hadiths il explique que le hajj c'est une fois dans la vie de quelqu'un que c'est obligatoire de le faire. Pour celui qui a la capacité. Okay? Celui qui n'est pas capable, par ses biens, alors c'est pas obligatoire pour lui de faire le hajj. Il n'a pas assez d'argent, c'est pas obligatoire pour lui. قال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا الله سبحانه وتعالى يزيد على الجسد 98 من صورة آل عمران الله سبحانه وتعالى أهانجو أبليغاتور في الإزام تفعل الحج على ميزان ستنتهي على كعبة وصليكيا لكاباسيتي لمن استطاع إليه سبيلا السبيل السبيل سي لو شمي مي دان لو كونتكست دو السبيل يعني دان سو فيرسي لا C'est-à-dire qui a les moyens, qui est capable d'aller faire le hajj, qui a la capacité, c'est-à-dire qu'il a azad wa rahila. Azad, il a les provisions et l'argent. Et rahila, c'est la monture. Donc, azad, c'est qu'est-ce qui va lui permettre de faire le trajet. L'argent suffisant pour être capable de faire le voyage, et pour manger, et pour qu'est-ce qu'il a besoin dans le voyage. Et annafaqa, c'est-à-dire l'argent qu'il laisse pour sa famille, pendant son absence, qui vont être capables de vivre avec cet argent-là. Et Ar-Rahila, wa alaykum salam wa rahmatullah, Ar-Rahila c'est la monture qu'il utilise pour se rendre là-bas, le moyen de transport. Et le cheikh il dit que la monture, bien entendu, il faut qu'il ait la monture pour aller et pour revenir chez lui. Et ça c'est chaque époque selon ce qu'on a comme moyen à chaque époque. Et il dit comme par exemple aujourd'hui, bon, il y a les voitures, il y a les avions, il y a les bateaux, et il y a d'autres moyens. Donc chaque époque a des moyens différents. Avant c'était des chameaux, avant c'était des chevaux ou autres. Aujourd'hui c'est avec ces moyens-là. Le cheikh il dit, فَإِذَا لَمْ يَجِدْ زَادًا وَلَا رَاحِلَةً فَلَيْسَ عَلَيْهِ حَجٍّ. Si quelqu'un ne trouve pas de provisions et d'argent, et qui n'a pas de monture ou de moyen de transport, alors c'est pas obligatoire pour lui de faire le hajj. وإن وجد الاستطاعة المالية ولم يكن عنده استطاعة بدنية ففيه تفصيل إذا كان العارض والعذر يرجى زواله فإنه ينتظر حتى يزول ثم يحج بنفسه وإذا كان العذر المانع لا يزول كالكبر والهرم أو المرض المزمن الذي لا يستطيع معه الحج فإنه ينيب من يحج عنه وما زاد على المرة الواحدة فإنه تطوع. Donc justement, يعني parce qu'en ce moment c'est la période du Hajj, donc يعني ça tombe bien quand même de parler de ça. Le Cheikh il dit que si par exemple quelqu'un il n'a pas la capacité, hein, alors dans ce cas-là c'est pas obligatoire pour lui. S'il n'a pas l'argent suffisant, hein, il peut pas le faire. Il attend jusqu'à ce qu'il ait l'argent nécessaire. Et s'il n'a pas la capacité physique, alors là, il faut détailler à ce sujet-là. Si l'incapacité physique qu'il a, c'est quelque chose qui risque de s'en aller, c'est-à-dire qu'il est malade, ou il est faible, ou il a une blessure, et que ça va guérir, alors il attend jusqu'à ce que ça guérisse, puis quand il est guéri, par la suite, il va y aller faire le hajj. Mais si par exemple, c'est une maladie qu'il a ou quelque chose, un handicap qui fait en sorte qu'il ne sera pas capable d'y aller parce qu'il ne va pas guérir ou cet handicap-là ne va pas s'en aller, ou bien parce qu'il a atteint un âge trop avancé, il est trop vieux, il n'est pas capable de partir, ou bien il est malade d'une maladie qui ne guérit pas. Donc dans ce cas-là, s'il n'est pas capable de faire le hajj à cause de ça, eh bien il peut envoyer quelqu'un qui va faire le hajj pour lui. N'importe qui a déjà accompli le hajj, d'accord, ça va compter pour la personne qui est malade, qui ne peut pas y aller, et en même temps, la personne qui le fait, il a une part, il aura des récompenses pour le fait qu'il fait ça pour quelqu'un d'autre aussi. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Bien entendu, la femme, il faut qu'elle ait un mahram pour y aller, hein. La femme, elle ne peut pas y aller toute seule, même si elle a l'argent, même si elle a la capacité physique. Il faut qu'elle ait un mahram avec elle. Elle ne peut pas y aller sans la permission de son mari, bien sûr. Parce que la femme, elle ne peut pas sortir de chez elle sans la permission de son mari. Hein? Le Cheikh, il dit, وَمَا زَادَ عَنِ الْمَرَّةِ الْوَاحِدَ فَإِنَّهُ تَطَوَّعَ. Et qu'est-ce qui dépasse la, comme si l'obligation c'est de le faire une fois dans la vie, et si tu le fais plus qu'une fois dans ta vie, alors les fois supplémentaires, c'est considéré comme تَطَوَّعَ. C'est-à-dire actes surérogatoires, c'est des actes de supplémentaires de bien que tu fais, mais c'est pas obligatoire. Le Cheikh il dit, ثم قال, ألا أدلك على أبواب الخير زيادة على أركان الإسلام لأن الدين ليس محصورا في أركان الإسلام ولكن هذه هي الأساسات وهناك أعمال كثيرة تتبع هذه الأركان وتكملها وهي جميع أنواع الطاعات من فرائض ونوافل وواجبات ومستحبات. Donc le Cheikh il dit que ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, est-ce que vous voulez que je vous montre est-ce que tu veux que je t'indique les portes du bien? Et le Cheikh il dit que en plus des piliers de l'islam, hein, il y a d'autres portes pour le bien, pour faire le bien dans l'islam. Parce que la religion de l'islam ne se limite pas uniquement aux piliers de l'islam. Hein? Parce que les cinq piliers de l'islam, si on veut, ce sont les bases, les fondations. Mais il y a d'autres œuvres, d'autres actions qui sont très nombreuses, hein, qui peuvent suivre ces piliers-là et qui peuvent compléter ces piliers-là. Et donc, toutes ces différentes formes d'adoration-là et toutes ces obligations, hein, et ces actes surérogatoires, hein, et les obligations et les choses recommandées, donc tout ça, ça complète l'islam en entier, c'est pas juste les cinq piliers, c'est-à-dire l'islam, c'est pas que les cinq piliers de l'islam, il y a beaucoup d'autres actes d'adoration qui sont obligatoires ou surérogatoires. Le Cheikh il dit ensuite, « قوله الصوم جنة يعني سترة بين العبد وبين النار والصوم فريضة مثل والصوم فريضة مثل صيام رمضان ونافلة مثل صيام الأيام التي جاء الدليل بصيامها كالست من شوال والاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر وعشر ذي الحجة ويوم عرفة ويوم عاشوراء ويوم قبله أو بعده فهذه كلها صوم نافلة. للشيخ الذي que parmi les portes, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Mu'adh, veux-tu savoir les portes du bien, veux-tu que je t'indique les portes du bien, il a dit oui. Alors il a dit premièrement que le jeûne est un bouclier. Le jeûne est un bouclier, c'est-à-dire qui est entre le serviteur et le feu de l'enfer. Et le jeûne, il y a qu'est-ce qui est obligatoire dans le jeûne, comme le jeûne du Ramadan, et il y a qu'est-ce qui est surérogatoire, qui n'est pas obligatoire, mais qui est un acte que tu fais qui, si tu veux te rapprocher plus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, parmi ces exemples-là, il y a les jours de jeûne qui sont mentionnés dans les textes dans lesquels il y a des preuves à leur sujet, dans les hadiths. Comme par exemple, les 6 jours de Shawwal. Après Ramadan, il y a les 6 jours de Shawwal qui sont recommandés. Il y a les lundis et les jeudis de chaque semaine. Il y a les 3 jours de chaque mois, les 3 jours de la pleine lune, le 13, 14, 15, 16, ou 13, 14, 15, hein. En tout cas, Ayam on les appelle. Et il y a l'Ashr min Zil Hijjah, c'est les 10 jours qu'on est en train de passer maintenant, ça c'est 10 jours qui sont recommandés de jeûner. Voyons Arafah, c'est-à-dire le jour de Arafah, c'est un jour qui est recommandé également de jeûner. Et le jour de Ashura, un jour et un jour avant ou après. Donc tout ça c'est des exemples de jeûnes qui sont surérogatoires, qui sont recommandés de faire. Après le cheikh il dit قوله والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. الصدقة أيضا على قسمين فريضة وهي الزكاة وتطوع وهي التبرعات في وجوه الخير. الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، فإذا أردت أن تطفئ سيئاتك فإنك تتصدق على المحتاجين. Le cheikh il dit également parmi les portes du bien il y a la sadaqa. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ce sujet-là que la sadaqa elle éteint les péchés un peu comme l'eau qui éteint quand elle éteint le feu. Donc il a comparé la sadaqa à l'eau qui éteint le feu. Et il a dit que la sadaqa, hein, ou l'aumône, ou la charité que tu fais, elle est de deux catégories. La première catégorie, c'est celle qui est obligatoire, comme la zakat, hein, et il y a celle qui n'est pas obligatoire, mais qui est recommandée, qui est surérogatoire, c'est, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, c'est at-tabarru'at, les aumônes et les actes de charité dans lesquels tu dépenses ton argent pour les pauvres, pour les biens, pour la mosquée, pour d'autres besoins que les musulmans peuvent avoir, tu prends de ton argent, puis tu le donnes fi sabilillah pour ces différentes choses-là. Donc, ça c'est des actes qui sont des sadaqat que tu peux donner, qui sont pas nécessairement obligatoires. Et, il a dit que as-sadaqa, l'aumône que tu fais, elle éteint le feu, la sadaqa que tu donnes, elle éteint de tes péchés, de tes fautes, comme l'eau éteint le feu. Donc si tu veux éteindre tes péchés, alors donne de la charité des aumônes aux gens qui en ont besoin. وقوله وصلاة الرجل من جوف الليل قالت ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلها يعلمون. الصلاة منها فريضة ومنها نافلة. وأفضل النوافل صلاة الرجل في جوف الليل يعني وسط الليل لأنه وقت نوم الناس ووقت هدوء ويكون بعد نوم راحة فيكون الإنسان حاضر القلب ويكون الإنسان قد أخذ حظه من النوم ثم يقوم نشيطا. قال تعالى إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. وناشئة الليل هي القيام بعد نوم. Le cheikh il explique que ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a indiqué une autre porte du bien, c'est-à-dire que la prière que l'homme fait en plein milieu de la nuit. Puis il a récité le verset dans Surat al-Sajda, Tatajafa junubuhum anil madaja, un verset qui décrit les gens qui se lèvent de leur lit en pleine nuit pour faire la prière. Puis il a dit que les prières, on a expliqué qu'est-ce qui était obligatoire par exemple parmi les salawat, et il y en a d'autres formes de prières qui sont recommandées sur les rogatoires, comme les prières supplémentaires qu'on peut faire en plein milieu de la nuit, et c'est lorsque les gens sont endormis, toi tu te réveilles puis tu pries hein, en plein milieu de la nuit, et c'est un moment où il y a du calme, il y a de la paix parce que tout le monde dort, il n'y a pas de bruit, et donc ta prière elle est plus tu vas la faire avec plus de concentration. De plus, tu t'es reposé, donc ton esprit est reposé aussi, tu viens de te lever. Hein? Donc tu vas la faire avec un cœur plus présent, cette prière-là. Et donc, lorsque quelqu'un a pris, il s'est reposé suffisamment, il se relève, donc il est en forme, il est motivé. Et il mentionne le verset 6 dans Surat al-Muzzammil, hein, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne que la prière de la nuit, elle est faite avec justement plus de concentration et plus de présence de cœur, etc. Donc, ça c'est les exemples qui sont mentionnés dans Surat al-Muzzammil, le verset 6. قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا إِلَى آخِرِ السُّورَةِ. Donc, ça c'est le fait de prier durant la nuit. Et puis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le cheikh il dit, وَقَدْ قَالَ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى اللَّهِ صَلَاةُ دَاوُدُ عليه السلام وأحب الصيام إلى الله صيام داود وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ويصوم يوما ويفطر يوما. Donc on va s'arrêter ici inshallah, puis on continuera ça la semaine prochaine بإذن الله. On est arrivé à la moitié du sharh du hadith. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.